بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 52 لسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 80، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وفي الحديث 89، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وهو ضعيف. Donc le 108e hadith sur Abu Sa'id, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le lavage du Jumu'a est obligatoire pour tout pubère. Apporté par les sept. Et dans le 109e hadith, selon Samura ibn Jundub, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait l'ozo pour le Jumu'a, c'est une bonne chose, et celui qui fait le roussel, alors le roussel est meilleur. Le roussel est meilleur. Apporté par les cinq. Et rendu bon par At-Tirmidhi, mais le hadith il est faible. Taïb. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. مسألة حكم غسل الجمعة. Donc là, comme tu l'as compris, le sujet c'est le roussel du Jumu'a. Le lavage du Jumu'a, du vendredi. Il dit qu'il y a deux paroles connues sur le sujet. Ceux qui disent que c'est obligatoire et ceux qui disent que c'est mustahab, que c'est recommandé. La première, l'obligation, c'est la parole de certains sahabas, parmi eux Abu Huraira, Abu Saïd, Omar ibn Khattab et bien d'autres. Et c'est également l'avis choisi par Ibn Hazm et de Sheikh Al-Othaymin et de Sheikh Mugbil et autres encore. Leur preuve, c'est le hadith de Abu Saïd, comme il l'a. Et également le hadith d'Abdullah ibn Omar dans les Sahihain, قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى منكم الجمعة فليغتسل. Celui d'entre vous qui vient au Jumu'a, qu'il se lave. Et le hadith d'Abu Huraira, également muttafaqun alayhi, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit حَقُّ وَلَا كُلِ مُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلْ رَأْسَ وَجَسَدَهُ. Donc il y a un droit sur tout muslim qui se lave au moins tous les 7 jours, qu'il lave sa tête et son corps. Et dans le hadith de Hafsa rapporté par Abu Daoud, authentifié par Sheikh Mugbil, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل. Donc il dit que chaque pubère doit aller au Jumu'a et tous ceux qui vont au Jumu'a doivent se laver. Tamam. Et le hadith est authentifié par Sheikh Mugbil. Donc ça c'est leur adillah, l'obligation. L'autre qaul c'est que c'est mustahab et c'est la parole de la plupart des gens de science, jumhur. Parmi les sahaba qui l'ont dit, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et d'autres. Eux, leur preuve, c'est le hadith de Samoura. Cité là dans le chapitre. Également, hadith d'Abu Huraira dans Sahih Muslim. Que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man tawadda fa asna'u al-wudu, thumma tal-jumu'ata, واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وما مس الحصى فقد لغى. Donc il dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait l'odo, et qui fait bien l'odo, puis se rend au Jumu'a, et qui écoute, et qui se tait, lui sera pardonné ce qu'il y a eu entre ce Jumu'a-là et l'autre. Et celui qui joue avec les petits cailloux a certes été inattentif, distrait. Et ils ont pris également comme preuve l'histoire apportée par Ibn Omar et Abu Huraira, lorsque Othman est rentré le Jumu'a, alors que Omar Radiallahu anhu faisait la khutbah, et que Omar l'a blâmé pour son retard. Et Othman s'est excusé en disant qu'il faisait l'odo. Son seul retard, c'est qu'il ait fait l'odo. Et Omar lui a dit, il a dit que Othman a fait l'odo après le dida, après l'appel. Tamam. Donc Omar lui a dit, wal wudu aïda. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. Et dans la version apportée par Abu Huraira, قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. Donc il dit quoi, Omar, qui lui a dit dans la version d'Abu Huraira, ne sais-tu pas que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui assiste au Jumu'a, qu'il se lave. Donc la version de Omar est dans les deux sahih et celle de Abu Huraira dans Muslim. Également, ils ont pris comme preuve ce qui était apporté de Aïcha radhiyallahu anha dans Sahih al-Muslim. Quand elle a dit que les gens se rendaient au Jumu'a après un dur labeur, travaillé et tout, et qu'ils venaient alors qu'ils étaient empoussiérés, sales et dégageaient des mauvaises odeurs. Donc l'un d'entre eux se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. Seulement si vous pouviez vous purifier pour ce jour-ci, c'est-à-dire le Jumu'a. Dans une version, لو اغتسلتم يوم الجمعة. Et si vous laviez le vendredi. Donc ils ont dit que si la cause est le but est atteint, donc il n'y a plus d'obligation. C'est-à-dire si tu viens le Jumu'a avec tes propres, tu ne sens pas mauvais ni rien. T'as pas besoin de te laver, c'est pas obligatoire. Et ça, c'est le Qur'an choisi par Shir Ibn Baz. Et le Shir évoque la parole la plus forte, c'est la première, l'obligation. Ce qui apparaît clairement des preuves citées. D'accord ? Ce qui apparaît clairement, c'est des preuves citées, c'est l'obligation. Même moi, à un moment, j'étais un peu anxieux, mais c'est vrai qu'en là, en lisant là, la masala, elle est corbille. Il y en a ceux qui disent que c'est obligatoire, ils ont, même si c'est pas le Jumu'ur, leurs preuves, elles sont plus fortes de ce qui apparaît. Donc déjà, en premier lieu, le hadith de Samoura qu'ils ont pris, il est faible. Après le hadith de Abu Huraira qu'ils ont pris, من توضع يوم الجمعة فأحسن الوضوء, celui qui a fait l'odo le jour du Jumu'a, qui l'a bien fait, en plus qu'il se rend au Jumu'a, et qu'il écoute et qu'il se taise, le hadith qu'on a pris, il a akhiré. Ils disent que ce hadith-là, le hafiz, il dit quoi? Il se peut que ce wudu soit accompli après que le rousse a été fait. Par exemple, il a fait le rousse, la salade, et il a perdu l'odo. Il a fait le rousse bientôt, il a perdu l'odo, donc après, il refait l'odo. La salade. Et Shir, lui, il dit, il se peut, sa version à lui, il se peut que, également, le wudu soit l'odo qui était fait durant le rousse. Comme tu sais, pendant le rose de la sunna, tu fais l'odo. Il dit, yahtamal yakuna hadha kadhalik. Et le hadith, il était apporté chez Muslim également, avec une autre voix, avec le thème, man ihtasala yawm al-jumu'a thumma ata. Au lieu de dire tawadda, ihtasala. Une version qui dit celui qui s'est lavé le jour du Jumu'a, ensuite qui s'est rendu au masjid et il a akhiré. Même donc cette version-là appuie. Ensuite, leur style avec l'histoire de Othman. Shawkani dit que moi, je vois plus que cette histoire est une hujja contre eux que pour eux. C'est pas un dalil qui va dans leur sens, mais qui va contre eux. Car Omar, il dit quoi à la fin? Il dit bien, Ama alimta na nabi sallallahu alayhi wa sallam, kolemanat al-jumu'a fliartasil. Omar, il a bien dit que celui, n'as-tu pas su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui assiste au jumu'a, qu'il se lave. Donc son blâme, il était pour le retard, et du fait, il n'est pas eu de rossu. Ça va? Parce que eux, ils voient, c'est quoi le côté mustahab de ce hadith? Que ça va être obligatoire. Omar aurait dû être. Peut-être qu'il aurait dû le forcer à aller faire le rousl. Mais ce qui va venir, c'est que le rousl n'est pas un short du Jumu'ah. C'est-à-dire, quelqu'un qui a pas fait son rousl, il aura commis le péché, mais sa salat, il sera valide, ça fait le dos. C'est pas un pilier du Jumu'ah, de pas avoir fait le rousl. D'avoir fait le rousl, je veux dire. Donc, au moins, il a fait son minkar, c'était son minbar, et il a parlé. Il a fait ce qui était son wajib par rapport à ça. Eh ben, le rod sur le parole de Aïcha par rapport à ceux qui venaient, qui sentaient mauvais, par exemple, qui avaient de mauvaises odeurs ou qui n'étaient pas propres sur eux, j'ai pas compris son explication. J'ai pas compris. J'expliquais, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là. Ça m'a pas été éclairci. En tout cas, le reste démontre que leur parole, elle est plus forte. Parce que même si là, la cause, elle a été enlevée, là, yamna yakun al-amr ta'abudi yad kazalik. Même si on connaît la illa, peut-être pour que tu ne sois pas mauvais ou quoi, il se peut aussi également qu'il y ait une cause ta'abudi, il y a l'adoration. Combien de hadiths sont venus sur le rose du Jumu'a, justement? Et d'autres, comme Shaukani, ils ont dit justement que ceux qui ont lié également, qu'on pourrait dire, c'est que les hadiths qui citent l'ozo et les hadiths qui citent le rosl, on peut les lier également en disant que le rosl a été fait et que par la suite la personne a besoin de faire l'ozo. Comme on l'a dit au début. Tamam? Donc on peut lier entre les deux. Et après, Shir cite un tabir, comme on l'a dit tout à l'heure, Al-Khattabi et autres ont cité l'ijma'. D'accord? Que le rousl n'est pas une condition dans la validité de la salat. C'est-à-dire, même si tu n'as pas fait ton rousl, tu as fait l'ozo, ta salat elle est sahiha. Après, il dit Mas'ala, hel el rousl li salati el jumu'ati ou am li liyomi? Est-ce que le rousl c'est pour la salat en soi ou pour la journée de jumu'a? C'est-à-dire, est-ce que tu fais le rousl? C'est pour le Jumu'ah, le vendredi en soi, c'est-à-dire que tu peux le faire après la salat, ou tu dois le faire pour la salat. Jumu'ah. Donc il dit que le hadith d'Ibn Omar, et de Hafsa, et de Omar ibn Khattab, et de Aïcha tous, qu'on a cité tout à l'heure, que cela est lié à la salat, et non pas au jour du Jumu'ah. Vous voyez, tous ces hadiths démontrent que tu fais le rousl pour faire salat au Jumu'ah, pas pour le vendredi en soi tout seul. Donc celui qui se fait son rousl après la salat, il n'est pas valide, son rousl. C'est un rousl adi, mais le rousl de Jumu'ah, il l'aura pas fait. Et certains, comme Zahiriya, ils voient que c'est pour le jour de Jumu'ah. Et c'est quoi leur preuve? Rousl al-Jumu'ah, le hadith de Saïd, Abi Saïd al-Khudri, rousl al-Jumu'ati, wajibu de la kulli muhtalim. Le lavage du vendredi est wajib pour tout majeur, tout pubère, tout majeur, on peut dire. Donc on dit ça, c'est un hadith, il est mutlaq. C'est un hadith, il est, comment on dirait mutlaq en français? À la base, mutlaq, c'est une chose qui est impérative, une chose qui est absolue, une chose qui est catégorique. Est-ce qu'on peut dire ça dans le hadith, là, maintenant? On va dire, il est catégorique comme ça. Et d'autres hadiths sont venus avec, ils sont conditionnés. C'est un rajout. D'accord? Donc tu prends lequel? Au qaddam le mukayyad ala al-mutlaq. Ce qui est conditionné prédomine sur ce qui a été rendu, on ne dira pas catégorique. Catégorique, ça fait genre, c'est pas discutable. Je sais pas comment on dire en français. J'ai pas l'aspiration. Des termes comme ça techniques, vaut mieux les garder comme ils sont en arabe. Si quelqu'un connaît, tu vois, la baisse, ça m'a. Ahamchi, comme on dit souvent, t'as compris le sens, ayanamchi. Aham, t'as compris le sens. Tu me donnes un exemple de mutlaq muqayyid. Mathalan. Un exemple d'un truc mutlaq. Une phrase mutlaq, un homme mutlaq. Taqul, idrib rajulan. Frappe un homme. C'est mutlaq. On pourrait dire c'est catégorique. Après, quelqu'un vient à muqayyid. Idrib rajulan, qa'iman. Frappe un homme qui est debout. Donc là, c'est plus mutlaq, c'est muqayyid. C'est-à-dire, la maintenance condition de c'est qui? C'est pas tout homme. C'est tout homme qui est debout. Donc maintenant, quelqu'un il vient et frappe n'importe quel homme. Il aura rempli l'ordre? Non. L'ordre, c'est de frapper un homme debout. Après, quelqu'un te dit, Nazid, idrib, rajulan, qa'iman, shariban. Tu frappes un homme qui est debout et qui est en train de boire. C'est-à-dire, tout, si tu vois un homme, on dit qu'il y a plein d'hommes. D'accord? Déjà, toutes les femmes, elles sortent. Et les enfants, ils sortent. Donc maintenant, tu commences déjà par les hommes. Ils sont où les hommes? Tu cherches les hommes. Tayyib. Il faut que tu en frappes un. Mais qui? Un qui est debout. Donc ceux qui sont assis déjà, là, c'est fini. Tu ne les frappes pas. Après, ceux qui sont debout, tu les repères. D'accord, je vais les repérer. Après, parmi ceux qui sont debout, ceux qui boivent. Donc tous ceux qui sont debout, qui ne boivent pas, tu les mets de côté. Et tu trouves celui qui est debout, qui boit, tu frappes n'importe lequel parmi ceux-là. On t'a dit, t'en frappes un qui est debout, qui boit. Même si tu en as 100, t'en trouves un seul, tu le frappes, c'est bon, t'as rempli l'ordre. Fahimt, c'est ça le mot mutlaq muqayyid. Pour ceux qui ne savent pas encore vraiment, hadhal bab usul al-fiqh. Donc là, le hadith, gros, c'est le jumu'ati, wajibun ala kulli muhtalim. C'est mutlaq. Et après, les hadiths sont venus muqayyida pour dire les salat. C'est-à-dire, le jumu'ah, mais pour la salat. Fahimt, hadhal. Et également, le rousse, il est valable après le fajr. C'est quand commence le yom al-jumu'ah? Au fajr. Donc celui qui le fait avant le fajr, mais le juzel. Quand même, le yom, il commence à partir du lever du soleil. Donc le rousse, tu le commences à partir du lever du soleil. Et c'est l'avis de Shayah al-Hajjouri, comme il a cité. Après, il dit, « Hel yajibu ala man la yaltazimuhu al-jumu'ah » Rousselon. Est-ce que le rousse est obligatoire pour celui qui ne doit pas le jumu'ah? Pour qui c'est pas obligatoire? Comme qui? L'enfant, la femme, l'esclave, le voyageur et le malade. Cela, le rousse du jumu'ah, le jumu'ah afon, assister à la khutbah du jumu'ah, assister à la khutbah du jumu'ah, c'est pas wajib pour eux. Donc est-ce qu'eux doivent faire le rousse ou pas? Il fut la parole du Jumhur, la plupart des savants, ils disent que non, le rousse n'est pas obligatoire, celui-là. Amen. Car à la base, le Jumhur en soi, elle-même n'est pas obligatoire. Donc comment on va rendre obligatoire le rousse qui, à la base, lui, est lié au Jumhur, à la salade du Jumhur. Et il faut authentifier sur l'homme de Omar, qui l'a dit, « Innama le rousse à la man tajibu alayhi al-Jumhur » que le rousse n'est obligatoire que pour ce... Non, que le rousse n'incombe qu'à celui pour qui la salade du Jumhur est obligatoire. Ça a été pris mu'allakan par le Bukhari, c'est-à-dire qu'il a cité son cheikh ou celui qui a pris son cheikh dans le livre de Jumu'ah, dans son sahih. Et d'autres ulama voient que si. Ils ont pris quoi? Rousul Jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Ils ont pris l'apparent du côté du hadith de Abu Sa'id al-Khudri. Même, donc, ça, c'est un truc général dans lequel on rend justement l'esclave et le voyageur et les femmes et le malade. Mais on dit quoi? C'est quoi la réponse? C'est que ce hadith, il était venu également muqayyid. Ce même hadith-là, il est venu muqayyid, conditionné également. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Ala kulli muhtalimin rawah al-jumu'ah, wa ala kulli man rawah al-jumu'ah al-ghusl » comme on a pris tout à l'heure. Que chaque pubère doit aller au Jumu'ah. Et le rousse est obligatoire pour chaque personne qui va au Jumu'ah. Donc ce hadith-là vient pour éclaircir le précédent. Le conditionner plutôt. Il n'est pas à Moubham, mais il est Mutlaq. Donc là, c'est la parole authentique celle-ci que le Jumu'ah, le rousse, est pour celui qui y va. Et c'est également le choix de Cheikh Yahya. Mais celui qui n'y va pas, s'il veut faire, il peut le faire. Mais l'obligation, elle est pour celui qui y va. Après, il dit. بعض المسائل الملحقة ست سجيك سمتشي هل يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواه est-ce que le غسل الجمعة accompli en même temps que le غسل الجنابة مثلا quelqu'un un matin, vendredi matin, il a eu un rapport, quand même, avec sa femme, et après il fait le ghusl. Est-ce qu'il peut lier, en un seul ghusl, mettre les deux intentions? Qu'il se lève pour la janaba, pour le jumu en même temps. Donc après, il y a plusieurs savants qui disent, na'am, il a le droit de le faire. Min kouli nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin niyyat. Après, là, c'est une chose que je ne pourrais pas expliquer là. Là, parce que les Zahiriya, ils voient que non, ils disent qu'il doit faire deux rousses. La janaba et le jumu'ah. Parce que le jumu'ah, c'est un wajib, et la janaba, c'est un wajib aussi. Donc, on ne peut pas faire deux wajib ensemble avec le même niyyah. On est obligé de diviser. Comme la salat, tu ne peux pas faire le asr, la salen. Ou quelqu'un qui s'est levé en retard, par exemple, qui a raté le vor, il rentre au asr avec les gens, en jamara. Il ne peut pas faire une salat pour deux. Il est obligé de faire le vor d'abord avec la jamara, la niyyah du vor, et après, il fait le asr. Il ne peut pas aller les deux. Ou quelqu'un pendant Ramadan, par exemple, il y a des jours à rattraper. Vous voyez, il y a des jours à rattraper. Et il a une expiation à faire également. Il a juré, par exemple, une kafara à faire. Il ne peut pas mettre une niya de mettre son rattraper ses jours de Ramadan et les mélanger aux jeunes de l'expiation. C'est ça, ils ont séparé. Ils ont dit c'est pareil pour là. Mais après, il a expliqué la chose, mais je ne pourrais pas la. Je n'ai pas la coudra de Waddah en français. Le meilleur, c'est d'y revenir en tout cas. Il dit, il a apporté la parole de la plupart des savants, il dit ce que tu peux le faire. Et après, il dit Masala, il dit Artasala, le Jumu'ah, Thumma, Ajneb, Aou, Ahdath. Celui qui s'est levé pour le Jumu'ah, et par la suite, il est devenu Junoub, ou il a perdu l'odo. Est-ce que cela annule son Rosl? Est-ce qu'il doit refaire un Rosl de Jumu'ah? Ou s'il fait le Rosl de Janaba, remettre une Niyah à nouveau de Jumu'ah? Tamam? Donc il est rapporté par le Nawawi qui dit que non. Cela, ça n'a rien à voir. T'as fait deux roses de Jumu'ah, mathalan, à 7h du matin. À 7h du matin. Et dans le rose, t'as fait ton odo. Après, à 8h, par exemple, tu as un rapport avec ta femme, mathalan. Ou alors, tu as été au hammam, t'as été aux toilettes. Faut que tu refasses l'odo. Est-ce que ça implique que tu dois refaire le rose de Jumu'ah? Non. Il a été fait, ça y est. Tu l'as fait, c'est bon. Même après, tu fais un autre rose pour la janaba, c'est niya janaba. Mais sur le jumu'ah, il est fait. Pas besoin de remettre la niya pour le refaire. Tamam? Il a cet akhilaf sur la mas'ala. Tamam? Mais il n'y a pas vraiment de adilla, c'est surtout des kalam d'ijtihadiyya. En tout cas, le kalam qui apparaît qui est le plus probable, c'est celui-là. Tu n'as pas à le refaire. Car tu fais une seule fois, yakfi. Ma'foum hada? Tayyib. Fa'ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin.